jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Couleur des peines, couleur épaisse. Noir et blanc, blanc et noir, mon pays t'accueille, applaudi, maudé. J'ai vomi sur ma feuille, j'ai tout vu, j'ai rien dit, ni bandit. Mes hanches, j'suis trop loin pour revenir, m'enfermer. J'ai grandi, je veux l'être, je vais le devenir. Aujourd'hui je ne prie pas, c'est dimanche. J'ai qu'une vie, j'ai la dalle, j'ai qu'une cible. J'ai qu'une base, une parole, j'suis qu'un homme. J'ai qu'une flamme, j'ai qu'une femme. PDG, t'as la belle, négro, j'ai le sommeil léger. C'est ma life, c'est de la merde. Crois pas que la tienne, elle est mieux. La pigée, c'est 9-2. Chez nous, la haine, elle est mieux. Le ciel joue à cache-cache. Le destin se fait vieux. Fume du hache pour mourir. Fume du hache pour guérir. Un jour, tu ris. Un jour, tu pleures. Un jour, tu vis. Un jour, tu meurs. Couleur, ébène, douleur, épais. Un jour, tu ris. Un jour, tu pleures. Un jour, tu vis. Un jour, tu meurs. Couleur, ébène, douleur, épais. Un coup de chasse pour du cash. Un coup de fil pour des kills. C'est le drame en cellule. Pour ton cul, pour un gramme. J'y ai cru quand j'ai vu. J'ai appris quand j'ai lu. Promenade, parloir, comme un chien, comme un noir. C'est la maille, notre espoir. Les vraies valeurs ne sont plus. Ça ne fait pas le bonheur, ça fait pas le malheur non plus. Moi j'aime bien quand ça brille, quand ça tire, quand ça tire. La banlieue, c'est dangereux, c'est pas marqué dans la Bible. Un jour, tu pleures, un jour, tu ris. Mes deux os, c'est mon blaze. Personne n'ira où je vais si t'as pas de raison de vivre. Trouve une raison de crever. Je veux la haine, car ce bruit que tu viennes me le dire. Que ta reine soit ma chienne, que tu craignes le pire. Moi je rêve, j'accomplis, même si je crève incompris. J'ai du gloss sur la verge, de l'encre dans les veines. Du pétrole sur les lèvres, ma vie est tristement belle. Des averses de bonheur, des cyclones de douleur. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Un jour tu vis, un jour tu meurs. Couleur ébène, douleur ébène. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Un jour